الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ceci est un recueil de quelques éloges des grands savants à l'égard de l'éminent savant Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah. Nous avons choisi de faire précéder ce document par le prélude que nous venons d'écouter, car il décrit assez bien la situation de beaucoup de gens vis-à-vis de l'éminent savant Rabi ibn Hadi hafidahullah. Dans cet extrait du poème long et merveilleusement beau du noble savant Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, on nous décrit la position de gens qui s'en prennent au savant de la Sunna et qui lui disent « Tu avais contredit nos chouyours ». Or, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes ainsi que leurs chouyours avaient contredit et contrarié le livre d'Allah subhanahu et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Lisons quelques-uns de ces beaux poèmes de Ibn Qayyim Jawziyya rahimahullah. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. Et à l'époque actuelle, des jeunes généralement, disent que Cheikh Rabi' critique tel chouyoukh. Or, ces chouyoukh dont il est question avaient transgressé des fondements de la salafia. Et même si des conseils leur étaient discrètement envoyés avant qu'ils ne soient publiés, ils persistèrent dans l'erreur et dans l'égarement. Plus, ils avaient soutenu et propagé avec ardeur tels propos erronés. Plus encore, ils avaient combattu le conseiller comme s'il était lui-même le fautif. Et après cela, ils osent jouer encore le rôle de l'agneau, alors qu'ils sont criminels vis-à-vis de la voix des salafs. Cependant, les grands savants de la Ummah, ainsi que les meshaïrs salafis, avaient acclamé les réfutations faites par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah. Aussi, beaucoup de ses livres sont précédés de préfaces de ces savants. Nous avons réuni ici quelques-unes de leurs paroles d'éloge vis-à-vis de Cheikh Al-Mujahid, Rabi ibn Hadi Hafidahullah, et nous n'avons pas été exhaustifs. Et d'ailleurs, il est très difficile de l'être. Il est difficile de réunir tous leurs témoignages éparpillés dans les documents sonores et écrits. Nous espérons que nos frères puissent bénéficier de ce modeste travail et qu'Allah récompense grandement l'honorable Cheikh Rabi' pour son jihad par la science, ainsi que les nobles savants pour ce qu'ils ont fait pour l'islam et pour ce qu'ils avaient fait comme soutien de leur frère Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah. Prenons le premier document, et qui est quelques éloges de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Il avait dit, voici le texte en arabe. بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة فأوصي بالاستفادة من كتبهما. شريط الأسئلة السويدية. Traduction. Concernant leurs éminences, Cheikh Mohammed Aman Al-Jami et Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, les deux font partie des gens de la Sunna. Ils sont connus chez moi par la science, le bien et la bonne croyance. Et je conseille et recommande de profiter de leurs livres. Voici une autre parole de Cheikh Ibn Baz. Il dit, الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة ومعروف أنه من أهل السنة ومعروف كتاباته ومقالاته tiré d'une cassette intitulée شريط ثناء العلماء على الشيخ ربيع. Traduction: Cheikh Rabi compte parmi la quintessence des gens de la Sunna et Jama'a. Il est bien connu comme étant des gens de la Sunna et ses écrits, c'est-à-dire ses livres et articles, sont connus. Et voici une autre parole toujours du Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Wa qala lahu ahad al-talaba, inna al-Cheikh Rabi'an yat'anu fi fulan wa fulan min al-du'at. Fa'ajaba al-Cheikh ibn Baz, ittaqillah, فالرجل إمام في السنة. Un étudiant interrogea Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Rabi' détraque tel et tel da'iya. Cheikh Ibn Baz lui dit alors, crains Allah, cet homme est un imam dans la Sunna. Et il a été rapporté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'il avait dit, ô Cheikh Rabi', réfute n'importe qui déroge à la Sunna. Si Ibn Baz commet une erreur, alors réfute-le. Il dit, pour le texte en arabe, « Ya Cheikh Rabi', rudda ala kulli man khalafa sunna. Ida akhta Ibn Baz, rudda ala Ibn Baz. » Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, demandait l'avis du Cheikh Rabi', hafidahullah, sur certaines personnes, comme c'est attesté dans leur correspondance. Par exemple, il lui demanda ce qu'il avait écrit au sujet de Abi Abd al-A'la al-Maududi, l'Indien, l'innovateur. Et il lui demanda aussi de répliquer à un certain Nazir Hamad, qui interpréta les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'attribut de Al-Haya et l'attribut de Al-Ghadab. Passons maintenant à quelques éloges de Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah. Il dit, فالحق من هذين الشيخين أي الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما جاهل أو صاحب هوى فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. شريط لقاء أبي الحسن المأربي مع الإمام الألباني رحمه الله. Traduction de cette parole de Cheikh Al-Albani رحمه الله. Dénigrer ces deux mashaykh, à savoir Cheikh Rabi' ibn Hadi et Cheikh Muqbil ibn Hadi, rahimahullah. Ces deux mashaykh appelant au livre, à la sunna, à la voie du salaf salih, et combattant ceux qui contredisent le minhaj droit, cela n'émane que d'un de deux hommes, soit un ignorant, jahil, soit un homme de passion, sahib ou hawa. Donc ceux qui critiquent ces deux mashaykh, comme nous avons dit, sont ou bien un ignorant qu'il faut enseigner, ou bien un homme de passion qu'il faut implorer Allah pour nous préserver de son mal. Et nous demandons d'Allah Azza wa Jal ou qu'il le guide, ou qu'il lui brise les chines. Et Cheikh Albani dit aussi, voici le texte en arabe, « فَأُرِيدُ أَنْ أَقُولُ إِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمْ فِي كِتَابَاتِ الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ رَبِيعُ أنها مفيدة ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. Traduction: je veux dire que ce que j'ai remarqué dans les écrits du Cheikh Rabi', du Cheikh Docteur Rabi', c'est qu'ils sont bénéfiques. Et je ne me rappelle pas lui avoir décelé une erreur ou un écart par rapport au minhaj, voie méthodologie. Le minhaj, où nous le rencontrons et où il nous rencontre. Et voici encore une autre parole du Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit: "Wa bi ikhtisarin aqul inna hamil ra'yat al-jarh wa al-ta'dil al-yawm fi al-'asr al-hadir wa bi haqq huwa akhuna al-doktor Rabi' والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه شريط الموازنات بدعة عصرية." Traduction: bref, le porteur de l'étendard de la science de Al-Jarh wa Al-Ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, aujourd'hui, dans l'époque contemporaine, et à juste titre, est notre frère docteur Rabi'. Et ceux qui lui répliquent ne le font jamais avec science, car la science est de son côté. Et il dit, rahimahullah, وقال rahimahullah عند حديثه عن الغزالي المعاصر, il dit, Cheikh Albani rahimahullah, وقد قام كثير من أهل العلم والفضل جزاهم الله خيرا بالرد عليه وفصلوا القول في حيرته وانحرافه, ومن أحسن ما وقفت عليه رد صاحبنا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في مجلة المجاهد الأفغانية العدد 9-11 ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المسماس المعيار لعلم الغزالي. المصدر: أصل كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني, الصفحة 68. Traduction: شيخ الألباني avait dit, lorsqu'il parlait de Al-Ghazali contemporain, et beaucoup de gens de science et de bien, qu'Allah les récompense par le bien, lui avaient répliqué, et ils avaient détaillé l'analyse de sa confusion et de sa déviance. Et parmi les meilleurs écrits que j'ai trouvés dans ce sens, figure la réfutation de notre ami docteur Rabi' bin Hadi al-Madkhali dans la revue afghane Al-Mujahid, numéro 9 à 11, ainsi que l'épître de l'honorable frère Saleh bin Abdelaziz bin Mohammed al-Sheikh, intitulé Al-Mi'yar li ilm al-Ghazali, c'est-à-dire le critère pour évaluer la science de Al-Ghazali. La source de cette parole du Cheikh Albani, le document de base du livre Sifatul Salah du Cheikh l'Imam Mohammed Nasser bin Albani, rahimahullah, page 68. Passons à une autre parole, toujours du Cheikh Al-Albani. وكتب الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على كتاب الشيخ ربيع intitulé العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم. Il dit, رحمه الله, كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب, ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Traduction de cette parole du Cheikh Albani rahimahullah. Et Cheikh Albani rahimahullah avait écrit ce commentaire au sujet du livre de Cheikh Rabi intitulé Al-Awasim Mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim, les moyens pour se prémunir des dangers des livres de Sayyid Qutb. Cheikh Albani rahimahullah avait commenté comme suit: tout ce que tu avais écrit au sujet de Sayyid Qutb est vrai et juste. Et de là, il apparaît à tout lecteur musulman ayant tant soit peu de cette culture islamique que Sayyid Qutb ne savait pas l'islam, ni comme fondement, ni dans ses détails. Qu'Allah te récompense donc, ô frère Rabi', d'avoir accompli le devoir de démonstration et de démasquage de son ignorance et de sa déviance par rapport à l'islam. Passons maintenant à quelques paroles d'éloge du Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Prenons la parole en arabe. أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. شريط الأسئلة السويدية. Traduction: quant au Cheikh Rabi, je ne connais de lui que du bien, et c'est un homme de sunna et un homme de hadith. Et il dit aussi: وإن زيارة أخينا الشيخ ربيع بالهادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنها سيكون لها أثر ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا بواسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان للسان، وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على صواب. ستضيق العلماء. شريط الأسئلة السويدية. Traduction. Et cette visite de notre frère Cheikh Rabi' Ben Hadi à notre région et particulièrement à notre ville de Unaiza aura sans doute un impact et beaucoup de gens apercevront ce qui leur était méconnu, surtout à cause de l'exagération, de la propagande et de la médisance, et combien sont nombreux ceux qui regrettent ce qu'ils avaient dit au sujet des savants quand ils s'aperçoivent que ceux-ci avaient raison. Prenons une autre parole toujours de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. وعندما سئل رحمه الله عن كتب الشيخ ربيع أجاب الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه رحمهم الله جميعا فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني انتهى وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن الشيخ ربيع وفقه الله وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. شريط إتحاف الكرام والاعتصام بالكتاب والسنة. Traduction de cette parole de Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله. Cheikh Al-Uthaymin fut interrogé au sujet des livres de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله. Il répondit alors, il est clair que cette question ne devrait pas être posée. Comme l'imam Ahmed, quand il fut interrogé au sujet de Ishaq ibn Rahaway, qu'Allah les ait tous en miséricorde, il dit, quelqu'un comme moi est interrogé sur Isaac, il fallait plutôt interroger Isaac à mon sujet. Fin de la citation de l'imam Ahmed, rahimahullah. Suite de la parole du Cheikh Al-Uthaymin. Et j'ai parlé en début de mon intervention de ce que je sais de Cheikh Rabi', qu'Allah lui accorde succès. Et ce que j'avais dit est encore dans mon esprit. Sa venue ici, ainsi que son intervention, dont j'ai reçu de beaux échos, font qu'on l'aime davantage et qu'on fasse dua pour lui. Prenons une autre parole toujours de Cheikh Al-Uthaymin. وسئل الشيخ العثيمين عن كتب سيد قطب وهل بها عقيدة وحدة الوجود فأجاب رحمه الله مطالعاتي لكتب سيد قطب قليلة ولا أعلم عن حال الرجل لكن كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير في ظلال القرآن قد كتبوا عليه ملاحظات على كتابه في التفسير مثل ما كتب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات على سيد قطب في تفسيره وفي غيره فمن أحب أن يراجعها فليراجعها لقاء الشيخين العثيمين وربيع. Traduction. الشيخ العثيمين fut interrogé sur les livres de سيد قطب et s'ils contiennent la aqida mécréante de وحدة الوجود. Alors il répondit رحمه الله j'avais fait peu de lectures dans les livres de Sayyid Qutb. Donc, je ne connais pas très bien le statut de cet homme. Cependant, les savants avaient fait des écrits concernant son livre de tafsir, d'exégèse, son livre intitulé Fi Zilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran. Ils avaient consigné des remarques à propos de ce livre de tafsir, comme ce qu'avait écrit Cheikh Abdullah Dwish Rahimahullah. Note du traducteur, le livre de Cheikh Abdullah Dwish Rahimahullah est intitulé Al-Mawrid al-Zulal fi man tuqida ala akhta' al-dilal. Fin de cette note. Cheikh Al-Uthaymin continue Et aussi, notre frère Cheikh Rabi' al-Madkhali avait écrit des remarques sur le tafsir de Sayyid Qutb et sur ses autres livres. Donc, celui qui voudrait les réviser peut le faire. Prenons encore une parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. La question: ma nasihatukum liman yamna'u ashratat Cheikh Rabi' bin Hadi bidawa annaha tuthiru al-fitna وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نفاق. فأجاب رحمه الله: رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير، وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم عن بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموا بهذه العيوب، شريط كشف اللثام عن مخالفات أحمد سلام. Traduction de cette parole du Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin fut interrogé. Voici la question: quel est votre conseil à celui qui interdit les cassettes du Cheikh Rabi' sous prétexte qu'elles suscitent les troubles, contiennent des éloges des gouverneurs du royaume, c'est-à-dire d'Arabie, et que ces éloges de Cheikh Rabi' vis-à-vis des gouverneurs relèvent d'une hypocrisie? La réponse du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah: mon avis est que ceci est faux et que c'est une erreur de taille. Cheikh Rabi' fait partie des savants de la Sunna et il est des gens de bien. Sa croyance est saine, son minhaj, c'est-à-dire méthodologie, est stricte. Cependant, comme il parle de certains symboles chez ces gens contemporains, alors il l'avait détracté. Passons maintenant à quelques éloges du Cheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah. Prenons le texte en arabe. Qala hafidhahullah: wa min ha'ulai alladhina bayyanu wa nasahu fadilatu al-Sheikh al-Doktour Rabi' bin Hadi al-Madkhali fi hadha al-kitab الذي بين أيدينا وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليها منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابر. فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله على نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Traduction de cette parole du Cheikh Saleh Fawzan hafidhahullah. Et parmi ceux qui avaient clarifié et conseillé, il y a son éminence Cheikh Docteur Rabi' bin Hadi al-Madkhali, dans ce livre-ci, et qui est intitulé La méthodologie des prophètes dont l'appel à Allah contient la sagesse et la raison. Il avait montré qu'Allah lui accorde succès et le récompense. Il avait montré la voie des messagers dans l'appel à Allah, comme il a été exposé dans le livre d'Allah et la sunna de son messager. Puis il avait examiné la méthodologie des groupes contrevenants sur la base de ce modèle, afin de rendre claire la divergence entre la voie des messagers et celle des méthodologies qui s'en démarquent et la contredisent. Il avait discuté de ces méthodologies avec science et impartialité, tout en appuyant son argumentation par des exemples et des faits. Louange à Allah, ce livre est ainsi devenu suffisant dans son objectif, satisfaisant à qui cherche le vrai, et est une preuve contre l'opiniâtre et l'orgueilleux. Nous implorons Allah pour qu'il le récompense sur son travail et qu'il en fasse profiter, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur les compagnons. Voici une autre parole de Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Wa qala hafidhahullah fi taqdim kitab jama'a wahid ala jama'at wa sirat wahid la asharat li Cheikh Rabi'. Qala Cheikh Fawzan, وقد قام أخونا فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بالرد عليه في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ بعنوان جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. وقد قرأته فوجدته وافيا بالمقصود والحمد لله، وأسأل الله أن ينفع به ويثيبه عليه. Traduction. Et notre frère, son éminent cheikh, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, lui avait répliqué dans ce livre qui est entre les mains du lecteur, c'est-à-dire avait répliqué à Abdurrahman Abdul-Khaliq. Ce livre qui est entre les mains du lecteur et qui est intitulé « Un seul groupe, non pas plusieurs, et une seule voix, non pas des dizaines ». Je l'ai lu et trouvé suffisant pour cet objectif. Et toute la louange à Allah. J'implore Allah pour qu'il en fasse bénéficier et qu'il l'en récompense. Prenons encore une parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Wa qala hafidhahullah fi taqdim kitab dahr iftira'at ahl al-zigh wa l'irtiyab an da'wat l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Il a dit, فوجدت رد الشيخ ربيع حفظه الله وافيا في موضوعه جيدا في أسلوبه مفحما للخصم فجزاه الله خير الجزاء وأثابه على ما قام به من نصرة الحق وقمع الباطل وأهله. Traduction de cette parole. Et il dit dans la préface de la réfutation de Cheikh Rabi حفظه الله contre Hassan al-Maliki, Cheikh Fawzan avait dit, j'ai trouvé la réplique de Cheikh Rabi', qu'Allah le protège, satisfaisante dans son sujet, bonne dans son style, désarmant l'adversaire, qu'Allah lui accorde une bonne récompense et le rétribue pour ce qu'il avait fait dans le soutien du vrai et dans la répression du faux et de ses gens. Voici encore une autre parole de Cheikh Fawzan toujours. وقال كما في شريط الأسئلة السويدية كذلك من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد فضيلة الشيخ ربيع بن هادي كذلك فضيلة الشيخ صالح سحيمي كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان جامي إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريد الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. Traduction. Il avait dit, hafidhahullah, et aussi parmi les savants remarquables qui ont donné à la da'wa, son éminent cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, son éminent cheikh Rabi' ibn Hadi, ainsi que son éminent cheikh Salih Suhaimi et son éminent cheikh Mohammed Aman Jami. Ces gens ont des efforts dans la da'wa. Ils ont de la sincérité. Ils ont des réfutations contre ceux qui cherchent à détourner la da'wa de son droit chemin, que ce soit volontairement ou non. Ces gens ont de l'expérience, ont de l'expertise, ont un examen des paroles et une connaissance de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. Il faut donc diffuser leurs cassettes et cours et en profiter, car il y a là un bénéfice grandiose pour les musulmans. Notons aussi que Cheikh Fawzan, hafidhahullah, avait également préfacé le livre de Cheikh Rabi, Hafidahullah, sur la question de la femme, intitulé Al-Huquq wal-Wajibat al-Rijal wal-Nisa'i fil-Islam, les droits et les obligations des hommes et des femmes en islam. Passons maintenant à quelques paroles de Cheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. قال رحمه الله من أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله. من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف بعد أيام أنه حزبي، ستذكرون ذلك. فقط الشخص يكون في بدء أمره متسترا ما يحب أن ينكشف أمره، لكن إذا قوي وأصبح له أتباع ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده. فأنا أنصح بقراءة كتبه وبالاستفادة منها، حفظه الله تعالى. أسئلة شباب الطائف. Traduction. شيخ مقبل رحمه الله avait dit: parmi les personnes les plus perspicaces quant au groupe et leurs erreurs, à cette époque, il y a notre frère, Cheikh Rabi' bin Hadi Hafidahullah. Celui de qui Cheikh Rabi' dit que c'est un Hizbi, alors il sera démasqué quelques jours après que c'est un Hizbi. Vous allez vous souvenir de ça. C'est seulement que la personne, au début, dissimule et ne veut pas être découverte. Cependant, quand elle devient plus forte, ayant des suiveurs, et que parler d'elle ne lui nuit pas, c'est alors qu'elle déballe ce qu'elle a. Donc, je recommande de lire ses livres et d'en profiter qu'Allah Ta'ala le protège. Passons maintenant à quelques paroles de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah. Al-Su'al. هل صحيح أن الشيخ ربيعا أحد تلاميذكم؟ الجواب: الشيخ ربيع درس في المعهد وأنا ممن درسه في المعهد، ولكن الشيخ ربيعا خير مني لأنه مجاهد في إحياء السنن وإماتة البدع والرد على المبتدعين، وخصص نفسه لهذا الشيء. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. Traduction. La question: est-il vrai que Cheikh Rabi' était parmi vos disciples? La réponse de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah: Cheikh Rabi' étudia dans l'institut. Note du traducteur: le Cheikh parle fort probablement de l'institut de Saint-Méta. Fin de cette note. Et j'étais parmi ses enseignants là-bas. Mais il est meilleur que moi, car il est un mujahid pour ressusciter les sunan et pour anéantir les innovations, ainsi que de réfuter les innovateurs. Il s'est consacré à cela. Nous implorons Allah pour qu'il nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée. Passons maintenant à quelques paroles de Cheikh Salih al-Luhaydan, hafidahullah. قال الشيخ اللحيدان جوابا على اتصال بتاريخ 2 جمادى الأولى عام 1435 هجرية: بالنسبة للشيخ ربيع والشيخ زيد، فأنا أعرف الاثنين معرفة جيدة، وهم أهل عقيدة وولاء للعقيدة. والشيخ ربيع كما هو معروف متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز وطبقته، فالرجل نعم الرجل. والشيخ زيد كذلك من قبيلة المداخلة، وهو معروف أيضا في هذا الأمر. Traduction. شيخ لحيدان حفظه الله avait donné cette réponse à un appelant en date de 2 Jumada 1er en l'an 1435 de l'Hégire. Il avait dit: concernant Cheikh Rabi' et Cheikh Zayd, je les connais bien tous les deux. Ce sont des gens de croyance, aqida, et des gens d'alliance dans la aqida. Et Cheikh Rabi' comme c'est bien connu, était lauréat de l'université islamique de Médine. C'est un disciple de Cheikh Boubaz et il est de sa classe. Alors, c'est un homme très bien. Et c'est également le cas de Cheikh Zayd de la tribu de Al-Madakhila. Et Cheikh Al-Haydan, Hafidullah, avait dit, je ne connais de la part de Cheikh Rabi' aucun écart par rapport à la charia. Et il avait dit aussi, Cheikh Rabi' n'a pas changé, ni du vivant des savants, c'est-à-dire Cheikh Uthaymin, Ibn Baz ou Al-Albani, ni après leur décès. Prenons maintenant une parole de Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi, Hafidullah. Il avait dit, المشايخ نعرف أن معتقدهم سليم ومن أهل السنة والجماعة الشيخ ربيع الشيخ أحمد والشيخ زيد لا غبار عليهم. Traduction. Il dit, حفظه الله, nous savons que la croyance de ces مشايخ est indemne. Ils sont de أهل السنة والجماعة الشيخ ربيع الشيخ أحمد الشيخ زيد. Il n'y a aucun doute sur cela. Passons maintenant à une parole de Cheikh Ubaid Allah Al-Mubarak Fouri, rahimahullah. Il avait dit, prenons le texte en arabe, « Inna akhana fillah al-alim al-nabil al-fadil al-jalil al-Sheikh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali » Jusqu'à ce qu'il avait dit, « Qad wajadtuhu za'il min ghazir » وفضل كبير صاحب فهم سليم وطبع مستقيم على طريقة السلف رضي الله عنهم اعتقادا وعملا متبعا للكتاب والسنة ناصرا لهما ذابا عنهما متشددا على أهل البدع والهوى. Traduction. Parmi ce qu'il avait dit et ce qu'il avait consigné dans sa إجازة حديثية pour Cheikh Rabi' Hafidahullah, il y a ceci. Notre frère en Allah, le noble et honorable savant, Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, Cheikh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, jusqu'à ce qu'il avait dit, c'est-à-dire Mubarak Fouri, rahimahullah, je l'ai trouvé d'une science abondante, d'un grand bien, ayant une compréhension correcte et un comportement droit, sur la voie des salafs, qu'Allah les agrée, dans leur croyance ainsi que dans l'œuvre. Il suit le livre et la sunna, les soutient et les défend, et il est dur vis-à-vis des gens d'innovation et de passion. Passons maintenant à une parole de Cheikh Zayd bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah. Il avait préfacé le livre de Cheikh Rabi' intitulé « D'ahruf sira'ati ahli zayghi wal irtiyab » an da'wati Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab, et qui est une réfutation de Hassan al-Maliki. Et Cheikh Zayd avait dit ailleurs « Kutubu Cheikh Rabi' kutubu sunna wa kutubu tasheikh al-i'tiqad falladhi yuhazir min kutubih fi qalbihi marad » Traduction. Les livres de Cheikh Rabi' sont des livres de sunna et des livres de correction de la croyance des gens. Et celui qui met en garde contre ces livres doit présenter quelques maladies au niveau de son cœur, c'est-à-dire doit être des gens de passion. Passons maintenant à une éloge de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab Marzouk al-Banna, rahimahullah. Il avait dit qu'Allah bénisse celui qui avait revivifié la science de al-Jarh wa al-Ta'dil et qui est Cheikh Rabi', et celui qui avait revivifié le 14e siècle en hadith et Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Passons maintenant à une parole de Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullah. Il avait dit, وإني قد تتبعت ما كتبه فضيلة الشيخ ربيع وتفحصته بدقة فوجدت أن جميع ملحوظاته على أبي الحسن حق كلها وصحيحة جميعها. Traduction. J'avais examiné ce qu'avait écrit son éminence Cheikh Ravi, je l'avais scruté minutieusement et j'ai trouvé que toutes ces remarques sur Abil Hassan sont véridiques et elles sont correctes toutes. Et il avait dit aussi dans un autre écrit, وقال في بيان حول فتنة أبي الحسن المأربي كذلك فلا يجرحون إلا من هو أهل أن يجرح. Traduction. Il avait dit dans un avis concernant la crise de Abi al-Hassan al-Ma'ribi, il, c'est-à-dire Cheikh Najmi et Cheikh Rabi' al-Madkhali, il ne critique que celui qui doit être critiqué. Fin de ce document. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع. ربيع من علماء السنة. فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض.